Chapitre 5. L'homme aux deux têtes. Le matin, on découvrit dans la boîte aux lettres du château une nouvelle missive adressée à la comtesse de Savignac. Elle était ainsi conçue. « Madame, vous avez constaté que je dispose de pouvoirs terribles et que je puis vous frapper dans l'ombre. Je vous accorde un dernier délai de 12 heures. » Si ce soir à 8 heures, je ne suis pas en possession de la somme que je vous ai réclamée, vous ne verrez plus se lever l'aube prochaine. J'entends que ladite somme soit remise sous enveloppe fermée derrière le buste de Jupiter qui se trouve dans votre boudoir. Nous serons seuls à connaître cette cachette. Inutile de vous dire que, si vous faites de nouveau intervenir la police dans cette affaire, vous êtes perdu. Votre époux. La jeune femme fit part de cette lettre à son père en le suppliant de déposer à l'endroit indiqué la somme qui lui sauverait la vie. Le baron lui demanda 2 heures pour réfléchir. Pendant ce temps, le chevalier d'Arsac recevait la visite de M. Poirotteau. « Comment ? S'écria le Gascon. « C'est encore vous ? Vous n'êtes donc pas encore parti ?»« Non, monsieur le chevalier, et je crois avoir bien fait. » Figurez-vous qu'en errant dans le pays, j'ai découvert l'endroit par où les bandits ont fui du souterrain où je fus enfermé. Voilà une trouvaille intéressante. Je voudrais voir ça. Quand vous voudrez, monsieur le chevalier. Tout de suite, monsieur Poirotteau, tout de suite. Conduisez-moi. Et le chevalier, après s'être armé, suivit son digne créancier. Celui-ci, au lieu de se diriger vers la ferme, prit un chemin qui les conduisait près d'une cascade, derrière laquelle s'ouvrait un trou d'ombre. « Voilà l'autre issue, » dit M. Poirotteau. « Je vais vous montrer par où il faut passer. » Le digne homme, ayant escaladé des rochers, passa derrière la cascade et pénétra dans l'ouverture qu'il avait désignée au chevalier. Celui-ci le suivit. « Je me suis muni d'une lampe électrique, » dit M. Poirotteau. « Je vais vous éclairer. » Tous deux s'engagèrent dans des grottes et arrivèrent dans les galeries souterraines. « Voici, dit enfin M. Poirotteau, la grille derrière laquelle la comtesse de Savignac, votre épouse, fut emprisonnée. La galerie continue dans cette direction et aboutit à la ferme. Nous pourrions, si vous le voulez, sortir par là. » Les deux hommes se mirent en marche. Arrivé au bout de la galerie, M. Poirotteau se retira poliment pour livrer passage à Darsac. Celui-ci s'avança et, tout à coup, il vit le sol s'ouvrir sous ses pas. Il venait de mettre le pied sur une trappe habilement dissimulée. Il tomba en poussant un mordius formidable qui fit retentir les échos souterrains. Il était tombé dans une espèce d'oubliette. « Éclairez-moi, M. Poirotteau, » ordonna-t-il. « Voilà, monsieur, voilà !» répondit M. Poirotteau en éclairant l'oubliette. « Vous le voyez, vous êtes à une belle profondeur. Un autre que vous se serait rompu les os en tombant, mais vous ne sortirez tout de même pas vivant d'ici. »« Qu'est-ce à dire ?»« C'est-à-dire que vous êtes tombé dans un guet-apens, monsieur le chevalier. » Le visage de M. Poirotteau ricanait sinistrement. Le chevalier ne reconnaissait plus la face benoîte et placide de son homme d'affaires. « Ah, vous plaisantez, maroufle !» cria le chevalier d'une voix menaçante. « Je vous ordonne, monsieur Poirotteau, de... »« Trêve de plaisanterie, monsieur le chevalier. Je ne suis pas monsieur Poirotteau. Regardez-moi donc. Je suis désormais le chevalier d'Arsac, le véritable Sentant. » Et l'homme à la lampe électrique éclaira son propre visage. Il enleva une perruque et une fausse barbe qui lui donnaient la ressemblance du créancier et il apparut sous une forme nouvelle. « Ah ah ! Ricana-t-il. N'ai-je pas le don des métamorphoses ? Je suis le chevalier d'Arsac, tantôt son créancier, tantôt un tout autre homme à ma guise. Et personne ne me reconnaît jamais. » « Quelqu'un te reconnaîtra !» rugit le chevalier. « Qui donc ?»« Moi !» Et, au même instant, une détonation retentit. Le pseudo-créancier poussa un cri de rage. Une balle venait de l'atteindre au bras droit. « Tu portes désormais ma marque de fabrique, bandit !» ricana à son tour d'Arsac, et je te retrouverai tôt ou tard. » Tu ne me retrouveras jamais, chevalier, gronda l'inconnu, car je suis l'homme proté, l'assassin invisible, et comme tu vas emporter mon secret dans la tombe, je puis te dire franchement que je suis Marcel Leguet, le gentilhomme cambrioleur bien connu. Et maintenant, adieu, malheureux chevalier, tu vas mourir abandonné, et il ne restera plus qu'un chevalier d'Arsac, le seul véritable, moi. Moi qui me suis marié sous ton nom, moi qui vais toucher en ton nom une dot rondelette et vivre heureuse et glorieuse sous ta peau. Adieu, chevalier. Sigis le faux d'Arsac. » L'homme proté referma soigneusement la trappe et se retira, tandis que d'Arsac poussait des rugissements dans le silence des solitudes souterraines. Et soudain, le chevalier heurta une ombre qui poussait des gémissements sourds. « Diable !» se dit-il, « on m'aurait donné pour compagnon un ours !» Il s'approcha prudemment en brandissant sa lampe électrique. Dans un coin, il distingua une silhouette humaine. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Pas de réponse. D'Arsac s'approcha de l'homme et s'aperçut qu'il était bâillonné. Il le délivra aussitôt. Quelle ne fut pas sa surprise en constatant que l'être inconnu qu'il avait d'abord pris pour un ours n'était autre que M. Poirotteau. « Vous ici ? » s'écria-t-il. « Mais que faites-vous donc dans cette galère ?»« Ah, monsieur le chevalier, croyez-vous bien que je suis ici par agrément ?»« Je le pense bien. Que vous est-il arrivé ?»« Je me promenais lorsque j'étais enlevé par des inconnus qui m'ont amené ici. » L'un d'eux m'a fait déshabiller pour prendre mes vêtements. Ah, je m'explique maintenant pourquoi l'autre Poirotteau vous ressemblait si bien. Il vous a étudié, vous a imité et a pris vos habits. L'autre Poirotteau, monsieur le chevalier. Oui, monsieur, il paraît que vous prenez exemple sur moi. Depuis qu'il y a deux chevaliers d'Arsac, il y a aussi deux monsieur Poirotteau. Mais continuez. Après m'avoir déshabillé, comme vous voyez, il est de fait que votre tenue me semble un peu légère, même dans l'obscurité. Ils m'ont bâillonné et fait descendre ici. Dame, c'était une mesure de précaution. Il fallait éviter que le vrai Poirotteau ne tombât dans les jambes du faux. Il y a certes plus d'un jour que j'attends ici. Je meurs de faim et je me croyais perdu lorsque j'ai entendu la trappe qui s'ouvrait. J'espérais qu'on m'apportait à dîner. Et ce n'était que moi. Pensez-vous, monsieur le chevalier, que nous pourrons nous évader d'ici ? Hum, je ne le pense guère. Si les soupirs eussent le don de fendre le roc, celui que poussa monsieur Poirotteau l'eût certes délivré. D'Arsac rassura à sa façon son compagnon. « Consolez-vous, monsieur Poirotteau, vous aurez l'honneur de voir comment meurt un chevalier d'Arsac. »« Ah, j'aurais préféré le voir vivre. »« Il est vrai, monsieur, mais songez que ce spectacle vous eût coûté plus cher. Oubliez-vous que je suis votre débiteur et que tout débiteur vit aux dépens de son créancier, que cette pensée vous console et vous aide à mourir dignement. » Ce ayant dit, le chevalier fit l'inspection de l'endroit où il se trouvait, avec l'espoir de trouver une issue. Mais il constata avec déplaisir qu'il se trouvait dans une espèce d'oubliette taillée dans le roc. Toute tentative de fuite devenait vaine. Il en fit part à M. Poirotteau, qui se laissa tomber sur le sol en déclarant qu'il sentait déjà, dans son estomac torturé, les affres de la mort. C'était en effet l'horrible mort par la faim qui menaçait les deux prisonniers. Pendant que se déroulaient les événements que nous venons de décrire, le baron de Carteret était dans une extrême perplexité. Devait-il accéder au désir de sa fille et remettre à l'aventurier qui avait épousé son enfant la dot qu'il réclamait ? Il demanda l'avis de son épouse et du détective Morin, qui, après quelques hésitations, finirent par se rallier à l'avis de la comtesse de Savignac. Il fut convenu que la somme d'1,5 million de francs en billets de banque serait mise sous enveloppe et déposée derrière le bus de Jupiter dans le boudoir indiqué par le faux Darsac. Mais cette somme, comme le fit remarquer le détective, servirait d'amorce pour mettre la main sur le bandit. En effet, le commissaire de police, le baron de Carteret et Morin, se cacheraient dans la pièce, prêts à bondir sur l'audacieux aventurier lorsque celui-ci apparaîtrait. En outre, le château serait secrètement gardé par la police. Maintenant que nous sommes prévenus, je me fais fort d'arrêter le bandit. D'autre part, remarqua la baronne, si le misérable triomphe malgré tout, il enlèvera la somme contenue dans l'enveloppe et notre fille n'aura plus rien à craindre. La somme est importante, mais nous ne saurions payer trop cher le bonheur et la sécurité de notre pauvre enfant. Le soir même, à 7h30, le baron, le détective et le commissaire de police se cachèrent derrière les tentures du boudoir, après y avoir pénétré secrètement par une porte ouvrant sur une autre chambre. 10 minutes après, la comtesse de Savignac, qui, depuis le matin, avait quitté la chambre, traversa le couloir, ayant en main la précieuse enveloppe contenant une fortune. Elle pénétra dans le boudoir par la porte principale, elle déposa l'enveloppe derrière le buste de Jupiter placé sur la cheminée, puis elle se retira en fermant la porte derrière elle. « Maintenant, attention !» dit Morin. Le détective s'assura que les deux portes du boudoir étaient fermées, mais non à clé, et que personne n'avait pénétré dans la pièce, ni s'y dissimulé. Dès lors, à moins qu'une main ou un être invisible ne pénétrât à travers les murs, on devait inévitablement mettre la main sur le coupable. Méticuleux par habitude, Morin constata en passant que l'enveloppe était bien à la place indiquée, puis, ayant terminé son inspection avec l'aide de ses deux compagnons, il se retira avec ceux-ci à l'écart. Tous trois attendirent ainsi, dans l'ombre qui envahissait peu à peu la chambre. Tour à tour, ils observèrent les deux portes, puis l'enveloppe, dont un coin dépassait le socle de Jupiter. 8 heures sonnèrent. Les portes restaient closes, l'enveloppe précieuse était toujours à sa place. Une demi-heure s'écoula sans que les trois hommes bougeassent, sans qu'une porte s'ouvrît, sans qu'une vitre des fenêtres frémît. Et soudain, le baron de Carteret poussa un cri, l'enveloppe avait disparu. Les trois hommes bondirent d'étonnement. Ils s'approchèrent en même temps du Jupiter de bronze et constatèrent avec stupeur que le baron de Carteret ne s'était pas trompé. Ils inspectèrent à nouveau le boudoir, sans relever la moindre trace du passage d'un être humain. Le baron était stupéfait, le détective était perplexe. Quant au commissaire, il était sur le point d'en perdre la raison. Les trois hommes sortirent du boudoir la tête basse, comme des vaincus. La journée du lendemain s'écoula en recherches vaines. On surveilla le personnel du château, on suivit des pistes sans résultat. Le célèbre détective Morin était furieux. « Je veux tirer cette affaire au clair, » déclarait-il en se grattant le front. « C'est la première fois de ma vie que j'échoue. Je veux une revanche, je l'aurai. » Et on le voyait errer dans le château comme une âme en peine. D'autres fois, il s'enfonçait dans la campagne, se perdait dans les bois, mais il revenait bredouille. « Ce bandit se cache dans l'ombre, » confiait-il au commissaire. « C'est donc dans l'ombre que je veux travailler. »« Voulez-vous que je mette des hommes sous vos ordres ?»« Non, il est préférable que je travaille de mon côté, sans le concours de la police officielle. »« J'aurai recours à vous lorsque j'aurai trouvé une piste sérieuse. » Mais depuis la disparition inexplicable de l'enveloppe précieuse, le bandit mystérieux ne donnait plus signe de vie. Disons enfin que le baron de Carteret s'étonnait de la disparition de son hôte, le chevalier Darsac. Il en avait fait part à Morin et au commissaire de police. Des recherches avaient commencé lorsque, 2 jours après, le baron vit arriver le chevalier. « Oh, mon cher hôte !» s'écria-t-il, « je suis bien aise de vous revoir. Je craignais qu'il ne vous fût arrivé malheur. » « J'ai bien failli mourir, en effet, » répondit le chevalier. « Des bandits m'ont attiré dans un guet-apens et m'ont emprisonné. Je suis parvenu avec beaucoup de peine, mais me voici enfin. » Et tout le monde fit fête au chevalier, excepté M. Morin, qui était parti à la recherche d'une piste nouvelle. Le baron lui fit le récit des événements qui s'étaient déroulés au château en son absence. Ils discutèrent longtemps. « Bref, dit le chevalier, vous êtes débarrassé à jamais de l'aventurier qui, en réalité, ne cherchait qu'à vous extorquer 1,5 million de francs. Désormais, madame votre fille, mon épouse, allais-je dire, est hors de danger. » Et la conversation roula sur le mariage de la jeune comtesse. Question délicate. Qu'allait faire le chevalier d'Arsac? Demander l'annulation du mariage? Faire intervenir la justice, exiger des enquêtes? C'était jeter son nom et celui du baron de Carteret en pâture à certains chroniqueurs avides de scandales mondains. Oui, c'était une question fort délicate. Les deux hommes parlèrent beaucoup. Il résulta de cette conversation qu'il était préférable de temporiser. Le chevalier d'Arsac ne se montrait plus absolument réfractaire au mariage et il semblait assez disposé à prendre pour épouse légitime celle qui portait son nom. Dame, la baronne Marguerite était jolie. Quant au baron de Carteret, il était tout disposé à accepter pour gendre le beau chevalier qui avait épousé son enfant en quelque sorte par procuration. Tout cela serait régularisé en temps voulu. Les deux hommes résolurent de réfléchir encore et le chevalier resta au château. Quant au détective Morin, il n'avait plus reparu. On supposait que ses recherches l'avaient entraîné très loin. Les choses en étaient là. On n'avait plus aucune nouvelle de l'aventurier qui avait épousé la baronne Marguerite. Le chevalier d'Arsac se plaisait à dire que si le bandit lui tombait jamais sous les mains, il en brocherait comme un canard. Aussi, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'un jour qu'il se trouvait dans son boudoir, en compagnie du baron et de la baronne de Carteret, de leur fille et du commissaire de police, un laquais vint annoncer l'arrivée du chevalier d'Arsac. « Le faux d'Arsac, ici? Quelle audace » s'écria-t-il. Le commissaire sursauta, s'assura qu'il était bien armé et attendit, prêt à l'arrestation de l'aventurier. C'était, en effet, un second d'Arsac qui venait de pénétrer dans le château en bousculant la valetaille qui voulait le faire attendre. C'était un second d'Arsac qui, un instant après, pénétrait dans le boudoir où se trouvait déjà un premier d'Arsac. Et les deux d'Arsac s'aperçurent en même temps et se bravèrent du regard. Ils se ressemblaient si étonnamment qu'on n'eût pu reconnaître la copie de l'original. « Ah, je vous tiens enfin !» s'écria le nouveau venu en s'avançant, les yeux flamboyants de colère. « Et je vous tiens bien, cette fois, Monsieur Marcel Leguet !» Mais l'autre chevalier s'était levé et, étendant la main, il dit avec hauteur « Monsieur le commissaire, veuillez arrêter cet imposteur !» Le nouvel arrivant bondit comme un ressort en rugissant. « Ah, Mordius, nous allons voir tout de suite de quel côté est l'imposteur !» « Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons, monsieur le gentilhomme cambrioleur, et vous savez que je connais le moyen de vous faire sortir presto subito de votre peau, de ma peau veux-je dire, qu'on aille chercher des épées. » À ces mots, l'autre d'Arsac avait légèrement blêmi. Il se borna à répondre avec hauteur. « Ah ça, monsieur, croyez-vous que je vais croiser le fer avec un aventurier sans scrupules ?» « Vous avez réfléchi pour parer ce premier coup, monsieur, depuis notre première rencontre, » riposta l'autre. « Mais j'ai d'autres moyens de vous confondre. Ah, vous ne voulez pas croiser le fer? Eh bien, monsieur, puisque vous ne prétendez pas sortir de ma peau, c'est-à-dire qu'ici même, devant tout le monde, je vais arracher cette moustache et cette royale postiche qui orne votre visage, et cette perruque, et cette... » Et le d'Arsac qui parlait avança, menaçant, la main tendue. L'autre recula, et soudain, prenant un parti suprême, il se sauva à toutes jambes, aussitôt poursuivi par son interlocuteur et par le commissaire qui criait « Cette fois, nous le tenons. Toutes les issues sont surveillées par mes hommes. » La course dura moins longtemps qu'on eût pu le craindre. Le faux Darsac savait que sortir du château, c'était se perdre. Harcelé de toutes parts, il n'eut pas le loisir de choisir sa retraite et un malencontreux hasard voulut qu'il fût acculé et obligé de se sauver par une porte donnant accès à l'escalier d'une tourelle. Or, cette tourelle n'avait pas d'autre issue et le jour n'y pénétrait que par des meurtrières trop étroites pour livrer passage à un homme. Le fuyard était pris comme dans un piège. Il ne pouvait gagner du temps qu'en refermant la porte derrière lui, et c'est ce qu'il fit. Mais bientôt, la porte s'effondra sous la poussée puissante des poursuivants, et ceux-ci se précipitèrent dans l'escalier en spirale. Ils en atteignirent l'extrémité et s'arrêtèrent interloqués. Le faux Darsac avait disparu. Mais il y avait là, tout en haut, un homme qui observait l'horizon par une étroite meurtrière. C'était le détective Morin. Celui-ci se tourna avec calme vers les arrivants et leur demanda la cause de tout ce bruit. « Nous poursuivons le faux Darsac qui s'est enfui par ici, » dit le commissaire. « C'est impossible, » répondit le détective. « Vous vous serez trompé. J'observe l'horizon d'ici, voici plus d'une demi-heure, et personne n'a gravi cet escalier avant vous. » « Impossible, impossible en effet !» balbutiait le commissaire de police affolé. « Et pourtant, nous avons poursuivi l'aventurier jusqu'ici. C'est à ne plus rien comprendre, cet homme a le don de se rendre invisible. » Mais le vrai Darsac s'était avancé, le sourire aux lèvres, et il s'écriait avec joie en tendant la main au détective. « Oh, Mordius, c'est ce cher monsieur Morin. Je suis bien aise de vous revoir et de vous serrer la main. » Et il prit la main droite du détective et la secoua avec une telle effusion que M. Morin poussa un involontaire « aïe » de douleur. Ce « aïe » plongea le chevalier dans la joie. « Eh, sans Dieu, par les cornes du diable ! Cher monsieur, on dirait que je vous fais mal. Souffririez-vous du bras ? Ce serait là une bien triste coïncidence. Figurez-vous, cher monsieur, que le faux Darsac souffre aussi d'une petite blessure que je lui ai faite au moment où il voulait m'enterrer vivant dans une oubliette. Tenez, c'est précisément à cet endroit. Laissez-moi vous montrer l'endroit. » Mais le détective retirait le bras avec une crainte à peine dissimulée. « Je ne vous ferai pas de mal, » continuait le chevalier en riant toujours, « mais c'est étrange que vous ayez la même blessure que ce Marcel Leguet qui avait pris ma forme. » Au fait, j'y songe. Il y a tant de coïncidences dans la vie. Vous avez au bras la même blessure que Leguet. Vous avez aussi le vêtement qu'il portait aujourd'hui. Et, il faut s'attendre à tout, je ne serais pas surpris de trouver dans une de vos poches, tenez, oui, là, dans celle-ci, la perruque, ainsi que la moustache et la royale postiche qu'il portait il n'y a pas 10 minutes. Mais oui, en effet, tenez, voilà la perruque. « Quelle coïncidence, cher monsieur Morin !» D'un mouvement brusque, le chevalier Darsac avait plongé la main dans la poche intérieure du détective et il en avait retiré une perruque qu'il brandissait comme un trophée. Le détective était blême de fureur. Darsac continuait, implacable. « Vous semblez, cher monsieur, avoir sur vous toute une merveilleuse collection de perruques et je ne serais pas surpris que vous en portiez une jusque sur la tête. » Avant d'avoir terminé ces mots, le chevalier avait de nouveau, en un tour de main, enlevé la toison grisonnante qui couvrait le front du détective. Celui-ci apparut, rajeuni de 20 ans. C'était maintenant le visage d'un jeune homme blond qui apparaissait à tous les regards. Voilà maintenant que le détective Morin ressemble à un gentilhomme cambrioleur de mes amis. « Messieurs, je vous présente M. Marcel Leguet, l'homme proté, l'homme... » Mais il ne put achever. Le pseudo-détective venait de brandir un revolver. Darsac n'eut que le temps de sauter sur lui d'un bond de tigre et de le terrasser dans l'escalier. Des coups de feu retentirent et les balles ricochèrent sur les murs. Un instant après, le faux Morin était maîtrisé. Le commissaire lui fit mettre la camisole de force par l'un de ses hommes. Au cours de l'instruction qui suivit cette arrestation mouvementée, Marcel Leguet entra dans la voie des aveux. il fit cyniquement le récit de ses aventures. C'était le faible de ce gentilhomme cambrioleur de dévoiler sa façon de procéder. Cet homme, qui avait l'art de se grimer et de se métamorphoser comme le meilleur des acteurs, avait aussi le travers des cabotins. Il aimait à parader, à faire montre de ses talents divers, il avait un bagout infernal et il parlait trop. La justice connut ainsi le mot de toutes les énigmes. Marcel Leguay raconta comment il avait eu l'idée de se substituer en chevalier d'Assas pour épouser une riche héritière et de s'emparer de sa dot. Après son échec au château de Beaulieu, il avait voulu prendre une revanche éclatante. Il était parti de ce principe qu'il ne viendrait à l'esprit de personne qu'il eût l'audace de rentrer de nouveau dans la peau de Darsac. L'arrivée de celui-ci, qu'il croyait en Afrique, avait contrecarré ses projets. Mais il avait résolu de ne point abandonner la partie. Lors de la venue insolite du chevalier, il avait d'abord fui prudemment, puis il avait télégraphié à 6 de ses complices habituels et les avait fait venir à Carteret. Les bandits avaient d'abord loué, sous un nom d'emprunt, une vieille ferme abandonnée qui, ayant été bâtie sur les ruines d'un vieux château fort, possédait des souterrains où l'on pourrait séquestrer des otages. Cela fait, Leguay, jugeant qu'il était indispensable d'avoir une intelligence dans la place, acheta à prix d'or l'intendant du château de Carteret, l'homme dont la cupidité et l'avarice étaient proverbiales. Avec l'aide de ses hommes, le gentilhomme cambrioleur enleva la nuit son épouse, la baronne Marguerite, et lui firent écrire la lettre que l'on connaît. Il espérait parvenir ainsi à toucher le montant d'une dot que l'arrivée du chevalier d'Arsac compromettait fort et fuir après avoir rendu la liberté à sa femme. La rencontre de M. Poirotot éveilla ses soupçons et, par mesure de prudence, il emprisonna le créancier. Quelle ne furent sa surprise et sa rage en constatant que ces deux prisonniers avaient pris la clé des champs. Il écrivit alors à sa femme une lettre de menace. Il espérait la terroriser et toucher ainsi la rançon désirée. Hélas, on déposa dans la ferme cette enveloppe qu'une prétendue main invisible enleva. Les souterrains ayant une issue dissimulée derrière une cascade, Leguay, toujours prudent, prit ce chemin et trompa ainsi la vigilance des policiers qui surveillaient l'habitation. Quelle ne fut sa fureur en s'apercevant que l'enveloppe était vide. Il résolut de se venger et pénétra dans le château de Carteret. Il vit son épouse et la menaça. La jeune femme ayant jeté l'alarme, il s'enfuit, comme on se souvient, jusque dans le water closet où il disparut si mystérieusement. Comment avait-il pu fuir ? Se demandèrent nos lecteurs. C'est bien simple. L'intendant, son complice, était sur ses pas, ainsi que deux domestiques. Seul, l'intendant vit M. Marcel Leguay ouvrir la porte du cabinet, mais, au lieu de s'enfermer, le faux chevalier d'Arsac eut une idée subite. Il sortit et se tint devant la porte fermée, devant laquelle s'accula l'intendant. Tous deux s'écrièrent « Il est là !» Les domestiques, accourus sur les pas de l'intendant, crurent voir dans le faux d'Arsac posté, menaçant, devant la porte, le véritable comte de Savignac, qui, pendant ce moment de désarroi, donnait des ordres dans une autre aile du château. Avec un sang-froid remarquable, Leguay d'Arsac déclara qu'il allait chercher la police et recommanda que l'on tînt bien enfermé le prisonnier dans le cabinet exigu. Il avertit en effet le commissaire, puis il se retira d'un pas dégagé. Il ne courait qu'un risque, rencontrer le vrai d'Arsac. Mais la chance lui sourit. Le bruit s'était répandu que le fuyard était pris et il put sans encombre quitter le château. Quelque temps après, on s'apercevait de sa disparition incompréhensible. Ne parvenant pas à entrer en possession de la dot qu'il convoitait, il conçut un double projet, tuer sa femme pour en devenir l'héritier, il était marié sous le régime de la communauté des biens, et ensuite faire périr mystérieusement le véritable d'Arsac, de façon qu'on ne pût contester ses droits. La nuit, armé d'une carabine, il se cacha dans le parc du château et tira sur Marguerite de Carteret. Mais la blessure n'était que légère. Sur ces entrefaites, il apprit que le baron écrivait au détective Morin. La lettre fut confiée à l'intendant qui, moyennant une forte indemnité, l'abandonna au gentilhomme cambrioleur. Celui-ci fit un moyen inespéré tout en évitant la dangereuse présence du célèbre détective à Carteret, de pénétrer dans la place en maître. Prendre un déguisement, pour lui, n'était qu'un jeu. Il imita M. Morin et se présenta sous son nom au château, trompant ainsi jusqu'au bénévole commissaire. La nuit même, il proposa de veiller la jeune blessée. Malheureusement, le baron lui tint compagnie. Mais le faux Morin tenta un coup d'audace. Ayant la certitude que jamais on n'oserait soupçonner le célèbre détective, il profita d'un moment où M. de Carteret avait la tête tournée vers le chevet du lit pour tirer un coup de revolver sur la blessée et rejeter l'arme loin de lui. Le guet résolut de continuer son système de terrorisation à outrance. Mais avant tout, il fallait se débarrasser du rival dangereux, le chevalier d'Arsac. Il fit enlever M. Poirotot, prit son déguisement et attira le chevalier dans un guet-apens. Il se croyait dès lors libre à jamais. Tout lui souriait. Le soir même, la dot de sa femme était déposée dans une enveloppe derrière le buste de Jupiter. Subtiliser un objet quelconque était pour le gentilhomme cambrioleur l'enfance de l'art. Sous prétexte de faire l'inspection de la chambre, le guet fureta partout. Il prit l'enveloppe précieuse en main et la remit en place. Mais ce geste avait suffi pour qu'il y fît adhérer un cachet auquel était attaché un fin et long fil noir dont il tint l'autre extrémité en main. Tout en parlant, il profita de l'obscurité pour tirer à distance la fameuse enveloppe vers lui, tout comme on tire un poisson au bout d'une ligne. Ses compagnons n'y virent que du feu, et l'on sait que le commissaire n'était pas loin d'imputer à une main invisible le vol de l'enveloppe. C'était ce que le guet appelait un petit tour de prestidigitation à l'usage des gens du monde. La possession de la dot avait rendu au gentilhomme cambrioleur toute sa belle humeur. Désormais, sa femme lui semblait adorable, et puis il devait hériter plus. Morbleu, pensa-t-il, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Maintenant que le vrai Darsac est mort, je n'ai plus rien à craindre. Il ne me reste plus qu'à vivre paisiblement dans sa peau et à devenir un vrai modèle. D'où la conversation délicate qu'il eut avec le baron de Carteret. Le guet triomphait, il était au nu. Mais il avait compté sans ce damné gascon qui devait ressusciter d'une façon si inopportune. Il ne s'expliquait pas comment Darsac avait pu briser les murs de granit de sa prison. Le chevalier, au cours d'un interrogatoire, voulut bien le lui dire. Il expliqua comment le cambrioleur avait commis une imprudence en mettant deux prisonniers dans un même sac. La trappe que ne pouvait atteindre un homme, mais qui était accessible à deux. Comment ? C'était bien simple. Le chevalier avait ordonné à M. Poirotot de se mettre debout en faisant un échelon de ses mains. Darsac avait gravi cette échelle vivante, s'était haussé sur les épaules de son créancier et, les bras tendus, était parvenu à soulever la trappe. « Morbleu ! » fit le guet avec regret. « Je n'y avais pas songé. »« Vous avez été mauvais mathématicien, tout simplement, » répliqua Darsac. C'est ce qui vous a perdu. Sans cette erreur, je triomphais, fit ironiquement le cambrioleur. J'avais été un si bon détective. Hé, Mordius, claironna Darsac, le meilleur détective de nous deux n'était pas celui qu'on pensait. L'interrogatoire terminé, M. Poirotot, l'homme pratique par excellence, suggéra au chevalier une idée. « Monsieur le chevalier, vous avez fait le travail de Monsieur Morin. Ne vous semble-t-il pas que vous pourriez réclamer au baron de Carteret des honoraires ?»« Monsieur Poirotot, sachez que je ne fais jamais payer les services que je rends. »« C'est regrettable, » murmura entre ses dents le créancier. « nous serions millionnaires. Disons, pour terminer, puisque nous parlons de millions, que la précieuse enveloppe contenant la dot de Marguerite de Carteret avait été trouvée sur Morin lors de son arrestation. Elle fut restituée au baron. Le mariage fut annulé à la demande du chevalier qui recouvra sa liberté avec une joie fort légitime et au désespoir de M. Poirotteau qui vit avec crainte baisser la valeur de ses créances. Quant à Marcel Leguet, il fut condamné à 30 ans de prison. En entendant prononcer cet arrêt, il remarqua cyniquement « J'ai déjà subi, sous des noms différents, 22 condamnations. Les peines encourues par moi, à ce jour, représentent au total 267 années de prison exactement. Je n'espère pas vivre assez vieux pour payer jamais ma dette à la société. » Et il ajouta, avec une pointe d'ironie, « Je suis un homme dans le genre du chevalier d'Arsac, je roule mes créanciers. » Fin du roman de Maurice Bouet, Le roi des aventuriers.